S'il n'y a pas de problème, continuez maintenant avec la prochaine conversation. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur n'a pas son portefeuille avec son passeport, son argent et ses cartes de crédit. Oh ! Reception ! Comment ? It has to be there. À la réception ? Pourquoi ? Why ? Remember when the man in reception offered us the map? Oui. I took out my wallet to pay for it. I must have left it on the counter. Ah, c'est possible, oui. Comment ? Peut-être que son portefeuille est à l'hôtel. À son hôtel ? Ah, je comprends. Voulez-vous téléphoner à l'hôtel ? Oh, merci, monsieur, mais j'ai mon portable avec moi. George thinks and hopes that he's left his wallet in reception at the hotel. The bookseller invites Hélène to use his phone to call the hotel, but she's got her mobile phone with her.